Chapitre 3. Son nom était Jean Vernon, mais tout le monde au garage l'appelait Titi. Peut-être à cause de sa taille exiguë qui lui donnait l'air d'un de ces gosses qu'on rencontre partout dans les faubourgs, peut-être parce qu'il avait toujours une réponse prête à tout ce qu'on lui disait. C'était donc Titi qui, entrant en service à 1 h du matin, devait conduire la voiture que Jacques avait ramenée. Il avait l'habitude de stationner devant les boîtes de nuit. Il venait de prendre place devant le tabarin. De temps à autre, par la porte entr'ouverte, arrivait le bruit de l'orchestre et des rires de femmes. Ça devait être plein là-dedans et follement gai. Une bande joyeuse sortit et se dirigea vers lui. Il jeta le mégot qu'il avait à la bouche et descendit de son siège pour ouvrir la portière. Juste à ce moment, l'orage éclata avec violence. De grosses gouttes tombèrent sur son dos, sur son visage, sur ses mains. Un jeune homme titubant, son chapeau claque sur l'oreille, sa cravate à moitié défaite, ruisselant, essaya de monter dans la voiture. Comme il était ivre, il dut s'y reprendre à 2 fois. Il venait d'y arriver, aidé de ses amis, quand il ressortit, et, pointant son index sous le nez de Titi, bégaya « Chauffeur, qui avez-vous assassiné ?» Toute la bande éclata de rire, et Titi, louchant sur le doigt qui dansait devant ses yeux, ne trouva rien de mieux que de les imiter. « La reine de Saba, monsieur, » répondit-il enfin en prenant un air grave. Mais l'autre insista, soudain dégrisé. « Non, mon vieux, je ne blague pas. » Ouvrant sa main, elle apparut toute rouge. « C'est du sang, » expliqua-t-il. « Du sang ? Mais alors, c'est que vous êtes blessé, » protesta Titi. « Je n'ai rien. Ma main était mouillée par la pluie, je l'ai posée sur l'appui-bras. Regardez. » Tous aperçurent une large tache de sang coagulée. Le chasseur, qui venait de couvrir le groupe d'un large parapluie, partit à la recherche d'un agent qu'il ramena presque aussitôt. « Que se passe-t-il ? » questionna celui-ci en regardant les visages terrifiés qui l'entouraient. L'homme en habit montra sa main pourpre. « Du sang, là ! » dit-il. L'agent se retourna vers le chauffeur. « Il y a une tache dans la voiture, » expliqua-t-il. « Moi, je ne sais rien de tout ça. » « Je n'ai encore chargé personne ce soir. Du reste, c'est peut-être sans importance. Un saignement de nez, une écorchure peuvent expliquer cela. » L'agent examina attentivement l'intérieur de la voiture après avoir fait la lumière. Sur l'appui-bras, il aperçut la tache épaisse. Passant ses mains sur le tapis, il le trouva humide. « Tiens, tiens, on a essayé de faire disparaître d'autres traces, de sang sans doute. » Levant les yeux, il aperçut, dans le cadre de la porte, un morceau de bois arraché presque entièrement. Une balle, il en savait assez pour le moment. « Je regrette, » dit-il en se retournant vers les autres, « mais il faut que vous veniez tous avec moi au commissariat. » L'agent ayant pris place à côté de Titi, la bande des fêtards, tous excités par l'imprévu, s'entassa à l'intérieur. Ayant relaté le peu qu'ils savaient, ils furent relâchés aussitôt. Seul, le chauffeur resta. La voiture fut inspectée et les policiers firent aussitôt une découverte intéressante. Coincés entre les 2 coussins, ils trouvèrent une douille du calibre 6.35. Le commissaire Herbeau, appelé par l'un de ses subordonnés, fut bientôt là. Après avoir entendu Jean Vernon, il demanda au téléphone le service de permanence du garage. Une voix anonyme le renseigna. La voiture RE9357, elle était conduite jusqu'à 1 h par Jacques Régnier. Non, on ne s'est aperçu de rien de suspect quand il l'a ramenée. Au contraire, le chauffeur avait fait une bonne journée. Jacques Régnier, de fâcheux antécédents? Non. Un peu léger, mais il est si jeune. Mais oui, on comprenait parfaitement que la voiture devait rester au commissariat jusqu'à la fin de l'enquête. Herbeau raccrocha. Au plus vite, il fallait interroger ce Jacques Régnier. Il y avait eu crime, la piste était toute fraîche. Sans tarder, il devait la suivre. Il renvoya Titi, après avoir pris son adresse, et partit, accompagné d'un de ses hommes. Le commissaire Herbeau était grand, mince, habillé avec une élégance discrète, chacun de ses mouvements était précis, chacun de ses mots portés. Aussi, la concierge de la rue Philibert-Lucot, réveillée dans son sommeil, désarma-t-elle tout de suite devant l'engageant sourire du commissaire, quand celui-ci eut frappé avec insistance à sa porte et se fut excusé de la déranger. « Monsieur Jacques Régnier, » demanda-t-il. « Il vient de sortir, ce n'est vraiment pas de chance. Pourriez-vous me dire où je pourrais le trouver ?» La concierge hésita à parler, se rappelant tout à coup le geste généreux de Jacques et ne sachant pas si les visiteurs nocturnes voulaient du bien ou du mal à son locataire. « Vous n'avez qu'à revenir demain dans la journée, » fit-elle brièvement. Et d'un coup sec, elle referma la porte. Le commissaire laissa tomber ce simple mot « police » et la porte s'ouvrit sur le champ. La concierge se répandait en exclamations. « Ne l'ai-je pas toujours dit qu'il avait une tête d'assassin ? Qu'a-t-il fait ? Mais vous venez trop tard, il a fichu le camp. Oh, il n'est pas bête, celui-là. Vous pourrez le chercher longtemps avant de lui mettre la main dessus. » « Quand est-il parti ? » réussit à demander le commissaire. « Il était 1h30, il avait des bagages et il était chic comme je ne l'ai jamais vu. Il a essayé de se défiler en douce, mais je connais mon monde. Quand je l'ai vu arriver avec deux valises, je me suis dit « ça y est, c'est pour ce soir ». Je l'ai attendu. Ça lui a donné un choc quand il m'a vu tout à coup devant lui dans l'escalier. J'ai cru qu'il allait se jeter sur moi. Mais quand il a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement, il a tiré un billet et m'a laissé la monnaie tant il avait hâte d'être ailleurs. « Vous pouvez toujours l'attendre, » termina-t-elle avec un sourire satisfait. « Pouvez-vous me mener à la chambre qu'il occupait ?» fit le commissaire d'un ton sans réplique. La concierge, ayant pris la clé, précéda les deux hommes dans l'étroit escalier, ouvrit la porte, tourna le commutateur et s'effaça. Rien dans la chambre, meublée banalement, ne montrait que son propriétaire venait de déménager. Sur la toilette étaient rangés le rasoir, la brosse à dents et, sur une chaise, soigneusement pliées, toutes les pièces d'un costume. Herbeau ouvrit l'armoire. Linge et chemise étaient dans un ordre parfait. Sur les cintres, deux costumes étaient pendus avec le même soin qui régnait dans la pièce. La concierge regardait attentivement. Comme toutes les logeuses, elle avait la déplorable habitude de regarder dans les valises et les armoires de ses locataires en faisant des chambres. « Ma parole, dit-elle, si je ne l'avais vu de mes propres yeux, je dirais qu'il est sorti tout nu, car ce que je lui connaissais est là. Tenez ce costume sur la chaise, c'est celui qu'il portait dans la journée. » Le commissaire examina le costume. Une tache suspecte en bas du pantalon attira son attention. « Prenez-le et donnez-le au laboratoire, » dit-il au policier qui l'accompagnait. « C'est urgent. » Puis, se tournant vers la concierge, « Vous disiez que votre locataire était très chic en vous quittant. Pouvez-vous me décrire ses vêtements ?» Il était en clair, tout de la même couleur, mais ça pouvait aussi bien être beige que gris. Ah, mais tenez, la casquette était grise. Décrivez-moi Jacques Régnier maintenant. Elle s'exécuta tant bien que mal, toute fière de son importance. Herbeau partit en la remerciant. Dans quelques instants serait donné à toute la police le signalement d'un jeune homme brun, élégant, habillé de gris, vu pour la dernière fois vers 1h30 aux alentours de la place d'Italie.